Chapitre 6e. Comme elle devait être expressive et rayonnante, Denis Diderot, ta belle physionomie qui respirait l'amour de la justice et de la liberté, comme la lumière qui éclairait en plein ton visage devait illuminer ton jeune et large front, briller dans ton œil plein de flammes, jouer dans tes cheveux en désordre. Que venais-tu faire là, Denis Diderot? Tu obéissais à la loi aveugle qui enchaîne bizarrement les destinées. Cette jeune fille, à la tête pure et charmante, comme celle de Greuze, sage, pieuse et belle, dont tu dévores du regard le souple corsage, le bras à peine modelé et la main délicate, cette jeune fille aux cheveux blonds, encadrant un front d'ivoire, à l'œil bleu, doux et pensif, courbant son col de cygne et suivant l'aiguille qui voltige entre ses doigts agiles, cette jeune fille va t'aimer. Dans cette minute où tu trembles d'être chassé comme un ravisseur, tu supportes fièrement le regard maternel parce que ton cœur est tranquille. Tu n'es pas rentré dans cette chambre avec une pensée de traître et de suborneur. Il n'y a que les cœurs lâches, les cœurs qui ne connaîtront jamais l'amour, qui peuvent concevoir la pensée de la séduction d'une vierge. À ton âge, ceux qui ne sentent pas la chair vaincue par une aspiration idéale et puissante, ce délire du cœur dont chaque seconde est plus pleine que toute la vie de ceux qui ne l'ont pas connu, ceux-là ne sont pas à compter parmi les enfants des hommes. N'est-ce pas, Denis, que seule, près de toi, cette jeune fille serait mieux gardée par ton amour que par les verrous et les grilles du couvent où elle a passé ses premières années? Ne te dis-tu pas que ce beau lys, grandi à l'ombre, doit s'épanouir au soleil? Quelle joie terrestre, quel chef-d'œuvre humain peut être comparable à l'ivresse de recueillir le premier soupir exhalé de ses lèvres, qui ne se sont jamais entrouvertes, de cette âme qui s'éveille comme un jeune oiseau qui frissonne au bord de son nid, de ce cœur qui n'a pas encore battu, même en rêve? Quel souffle matinal est plus pur et plus suave que le premier baiser d'une vierge? Tu l'aimes, Denis, et l'amour t'a rendu beau. Et la mère et la fille t'observent avec une curiosité sympathique. Elles savent que rien n'est à craindre d'un pauvre diable qui est là, debout devant elle, et qu'on dit de mœurs honnêtes. Voilà que ton cœur se gonfle de joie. Mais si tu pouvais lire quelques pages plus loin dans le livre de la destinée, Denis Diderot, tu verrais que, dans cette minute anxieuse, tu viens de jouer ta vie. Tu viens de jouer 60 chefs-d'œuvre, et tu as perdu. Et ils sommeilleront dans ta tête puissante, sans que sonne jamais pour eux l'heure de l'enfantement. Tu viens de jouer tout cela, Denis Diderot, et bien d'autres choses encore. Tu épouseras cette jeune fille que le hasard a jetée sur ta route, comme un coureur qui t'aurait jeté des oranges dans l'arène. Tu auras des enfants d'elle, Denis Diderot. Tu aimeras ensuite d'autres femmes qui te sembleront plus séduisantes. Pour subvenir aux besoins de ta famille et aux caprices de tes maîtresses, ta plume vénale va courir. Ton génie se dispersera en causeries qui s'envoleront au foyer d'une cheminée, étincelante comme sa flamme, disparue et oubliée comme elle. Ton neveu Drameau et quelques lettres arrachées à la destruction nous diront les fruits que devait porter l'arbre aux racines profondes, aux branches largement étendues, roi stérile des forêts. Dans cette minute de silence, Diderot, tu viens de jouer ta liberté si chèrement payée. Tu viens de nouer à ton pied le lien qui te fait esclave, et tu viens de river à ta chaîne un boulet que tu traîneras pendant 30 années. Ton boulet, Denis Diderot, s'appellera l'encyclopédie, œuvre de manœuvre, et qui ne servira que de matériau pour le monument que 40 pygmées réunis n'élèveront même pas à la mémoire du géant qui les a tirés du sol. Voilà, Denis Diderot, ce que tu es venu chercher dans l'atelier de lingerie de Madame Champion. Tu peux maintenant te marier avec sa fille. Accomplis donc ta destinée. Tu écriras un jour à Voltaire « À quoi bon travailler pour l'humanité? Que sommes-nous autre chose que des baladins, bons à distraire un instant la foule? » Il faut te pardonner un blasphème arraché de ta bouche après 30 années de combat sans trêve et sans repos. Denis Diderot, tu as gagné ta large part de gloire et d'immortalité. Abandonné par D'Alembert pour une misérable question d'argent, trahi par l'éditeur lâche et imbécile nommé Le Breton qui a mutilé ton œuvre, calomnié par de honteux adversaires, traqué par les espions de police, emprisonné, menacé de mort, forcé, sans Catherine, de vendre ta bibliothèque pour vivre, tu as achevé seul l'encyclopédie. qu'il soit donc ici déclaré une fois de plus que tu as bien mérité de la philosophie. Non, Rousseau, Diderot et Voltaire ne sont pas des baladins. Tous trois, chefs de l'armée philosophique, qui a pour soldat tous ceux qui pensent et tous ceux qui souffrent, vous avez reçu et transmis l'éternel mot d'ordre de l'humanité en marche. Debout sur les ruines du passé, qui croulaient, sapées par les haches et criblées par les stylets, du sommet de votre œuvre, vous avez entrevu la terre promise. Éclaireur de la Révolution française, vous saviez quelle génération vous suivait, et vous avez allumé l'incendie d'où le monde allait sortir régénéré par le baptême du feu et le baptême du sang. Au fronton des temples, où les hommes adorent leurs bienfaiteurs, ta place, Denis Diderot, est marquée à côté de Voltaire, que la mort emporta sur son char de triomphe sans qu'il ait entendu la voix des insulteurs qui expirent aujourd'hui au pied de vos statues. Et tant que nous les verrons debout dans leur immobilité sereine, nous n'aurons pas désespéré de cet avenir dont vous avez vu briller la prochaine aurore. Pendant que Madame Champion et sa fille Julie gardaient le silence, Denis cherchait le mot inspiré qui devait décider d'une question de premier ordre, à savoir si on lui offrirait un siège. Il s'adressa donc à la mère, non pas avec ce ton doucereux qui veut capter la bienveillance des gens, mais avec la malfranchise des âmes généreuses. « Je suis, madame, votre voisin, » dit-il, « j'habite cette maison. » Madame Champion, toujours debout, inclina la tête pour indiquer qu'elle le savait. « Je suis peut-être indiscret, » continua-t-il, « de me présenter ainsi chez vous, mais j'ai pensé que je pourrais vous être utile, et je suis venu vous offrir mes services. » « De quoi s'agit-il, monsieur, s'il vous plaît ?» interrogea Madame Champion, qui, sous le prétexte de ranger, de plier, de remettre en ordre les chiffons qui encombraient la grande table derrière laquelle elle était retranchée, examinait alternativement le visage de Denis et celui de sa fille. « J'ai appris que vous étiez seul dans votre magasin et que mademoiselle votre fille, froncement de sourcils de Madame Champion, était souvent obligée de faire des courses au loin dans la ville. « Moi, madame, je sors presque toute la journée, et souvent sans but de promenade. Si vous avez quelquefois des commissions dont je puisse me charger, je saisirai l'occasion que vous m'offrirez de vous être agréable. » « Et de quelle façon prétendez-vous être récompensé des peines que vous prendrez ?»« Je vous demanderai peut-être plus que ma peine ne vaut. »« Ah ! » !»« Oui, madame, et je vais vous parler avec franchise. » »« Je vais mentir comme un enragé menteur en toutes sortes de mensonges. » pensait au même moment l'amoureux Denis qui, voulant la fin, voulait les moyens. « J'ai fait mes études dans un séminaire de Paris, et je dois entrer prochainement à celui de Saint-Nicolas pour me préparer à recevoir les ordres. » Ici, mademoiselle Julie pensa à son couvent, et s'y étant beaucoup ennuyée, poussa un soupir léger que sa mère n'entendit pas, mais que Denis entendit très distinctement, et s'il ne l'avait pas entendu, il n'eût pas été digne du pauvre jeune homme qui accompagna mentalement le soupir de mademoiselle Julie. « Je n'aurais pas cru qu'un jeune homme comme vous eût la vocation d'un pareil état, » dit madame Champion, observant Denis d'un œil moins prévenu. Denis sentit que le moment était venu de déployer toutes les ressources du machiavélisme amoureux. Il se souvint de la parole du maître, « L'empire du monde est au flegmatique. » Et lui, nerveux sanguin, homme d'imagination, devint froid jusqu'à la moelle des os, pour rester 5 minutes de plus dans cette chambre vulgaire où respirait Julie, assise près de la fenêtre et toujours penchée sur son ouvrage. « En effet, madame, répondit-il, je ne me sens pas une grande vocation pour l'état ecclésiastique, mais je me crois le courage nécessaire pour en remplir honnêtement les devoirs. Mon père est coutelier à Langres, mes études ont été longues et coûteuses, il a fait de grands sacrifices, et je me dis qu'il faut alléger un peu les charges de mes parents. » Mademoiselle Julie poussa un deuxième soupir, mais cette fois il était tout entier pour le futur séminariste. « En vous offrant tout à l'heure mes services, » poursuivit Denis, si bien à son rôle qu'il se croyait déjà sous la soutane, « j'avais une arrière-pensée. » Mademoiselle Julie rougit comme si ces derniers mots l'avaient touchée au cœur. Madame Champion était devenue attentive. La voix de ce jeune homme avait des intonations flexibles et harmonieuses. Elle était sous le charme, et depuis quelques instants, elle oubliait de regarder sa fille. Je ne cherche pas, madame, à cacher ma pauvreté, qui est honorable, et si je puis vous être bon à quelque chose, j'espère pouvoir acheter un peu moins cher chez vous les objets dont j'aurai besoin pour mon trousseau. » Madame Champion avait vu le monde, mais elle était naturellement bonne, et elle ne soupçonna rien de cet abîme de perversité. Seule Mademoiselle Julie comprit que si leur voisin, M. Denis, voulait entrer quelque part, c'était plutôt dans la maison que dans les ordres. On se tromperait fort en jugeant Mademoiselle Julie sur des apparences très superficielles. Élevée dans les principes d'une réserve sévère et d'une soumission absolue envers sa mère, pour laquelle son respect filial allait jusqu'à la vénération, elle avait au-dedans d'elle une volonté froide et calculée, l'arme inconnue et mystérieuse des femmes. Toujours obéissante, elle n'en savait pas moins juger jusqu'à quel point ce qu'on exigeait d'elle était juste et nécessaire. Ce qui n'était chez elle qu'une sorte d'inertie tranquille pouvait devenir une force dont la compression décuplait le ressort. Denis, prié de s'asseoir et voyant ses offres agréées, ne voulut pas compromettre ce premier succès. En prolongeant sa visite, il s'exposait à donner des soupçons. Il saisit un moment propice pour prendre congé sans affectation, et après avoir fait sa révérence à ses deux voisines, il leur réitéra ses offres, en ajoutant qu'il serait toujours à leur disposition et qu'il resterait leur obligé si elles voulaient bien s'en souvenir. Madame Champion, tout à fait rassurée, le salua avec beaucoup d'affabilité, l'assura qu'elle mettrait un soin particulier à ce qu'elle entreprendrait pour lui, et termina en disant qu'il serait le bienvenu quand il lui plairait d'entrer au magasin pour leur donner le bonjour. Pendant que Denis, dissimulant sa joie, se retire avec force révérence, Mademoiselle Julie, qui avait gardé le silence pendant toute cette conversation, se leva avec nonchalance et le suivit pour le reconduire. En voulant ouvrir la porte de sortie, Denis s'y prit avec tant de maladresse que Mademoiselle Julie se vit dans la nécessité de venir à son secours. Ils combinèrent si bien leurs efforts que la porte ne s'ouvrait pas et que leurs mains étaient presque unies. Enfin, la porte céda, mais ni Denis ni Julie ne firent de révérence et n'ouvrirent la bouche pour une banalité polie. Leurs regards seuls s'étaient rencontrés et s'étaient interrogés avec ardeur. « Julie, comment trouves-tu ce jeune homme ?» dit Madame Champion, voyant rentrer sa fille. « Il a l'air très honnête, ma mère. Mais que penses-tu de sa figure ? Elle m'a paru ordinaire. » « Il n'est pas mal quand il s'anime. Il a un beau front et des yeux expressifs. Il parle fort bien et paraît très instruit. Ce serait une société pour nous qui ne voyons que nos pratiques. Ici, il n'a pas de famille. As-tu remarqué comme ses vêtements sont usés ? Il m'intéresse. » Et je voudrais bien trouver moyen de lui venir en aide sans l'humilier. Comme tu es bonne. J'aurais tant aimé avoir un fils. J'aurais tant aimé avoir un frère, soupira Julie. Ah, Julie, quel battement de cœur vous avez eu ce jour-là, en descendant l'escalier pour aller chercher les provisions du dîner. Vous n'avez vu personne, ni dans l'escalier, ni dans la rue, Julie. Mais vous saviez qu'il n'était pas loin. Et si vous n'avez pas relevé la tête, c'est que, de la boutique où vous êtes entrée, vous avez pu le voir penché à sa fenêtre. Et le soir, quelle insomnie, plus douce qu'un rêve, où votre âme parlait à la sienne. Aimez Denis, Julie. Ce que vous aurez à souffrir plus tard dans la vie, qui est rude à tous, ne vous fera pas oublier que, pour s'enivrer d'un bonheur céleste, il suffit d'un regard échangé, d'une main qui effleure la vôtre, d'une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Quand les premières lueurs matinales blanchirent à l'horizon, les yeux de Julie étaient remplis de larmes qui coulaient sur ses joues. Une petite lumière brillait à la lucarne de Denis, qu'elle ne pouvait apercevoir. Il corrigeait sa traduction du premier chant de l'Iliade. Dans la fièvre de sa belle insomnie, les pages s'éclairaient d'un divin reflet, et de temps à autre, le cœur gonflé d'amour, il interrompait son travail pour penser à Julie. « Elle dort, se disait-il. » Et moi je veille, je pense à elle.